يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui croyez, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture et justesse, afin qu'il corrige et améliore vos actions et qu'il vous pardonne vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes gagné une énorme récompense. Amma ba'du, fa inna asdaq al hadithi kalamullah, wa khayru al hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa sharra al umuri muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bid'a, wa kulla bid'atin dalala, wa kulla dalalatin fin nar. Ceci étant dit, le plus véridique des récits est certes le livre d'Allah, et la meilleure des voies à suivre est celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et la plus mauvaise des choses concernant la religion est celle qui a été inventée, et toute chose inventée dans la religion est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Ô vous les gens, le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala, nous a certes renseigné à propos d'une affaire très importante. « Wa man asdaqu min Allahi qila » et qui est plus véridique qu'Allah en parole. « Wa man asdaqu min Allahi haditha » et qui est plus véridique qu'Allah en récit. Cette information, il est obligatoire qu'elle soit prise en compte avec la plus haute considération. Le Seigneur de la grandeur, subhanahu wa ta'ala, a en effet dit « I'lamu annama al-hayatu al-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun baynakum wa takathurun fil amwali wal awladi kamathari ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati azabun shadidun wa maghfiratun min Allahi wa ridwan wa ma al-hayatu al-dunya illa mata'u al-ghurur. Sachez que la vie présente n'est que jeu, divertissement, artifice, vantardise mutuelle et course dans l'accumulation de richesses et d'enfants, telle une pluie dont la pousse de plantes céréalières qui s'en est suivie émerveille les cultivateurs, à la suite de quoi elles commencent à se faner et jaunissent, pour ensuite finir telles des débris. Et dans l'au-delà, il y aura un dur châtiment, mais également un pardon et un agrément venant d'Allah, et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Il y a dans ce verset une annonce faite par Allah subhanahu wa ta'ala concernant plusieurs points. Il y a dans ce verset l'annonce provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala que cette vie présente n'est que la'ibun, jeu, une vie durant laquelle beaucoup de gens ne font que s'amuser et s'adonner à des distractions futiles. Également, que cette vie présente est lahwun, divertissement. Et la cause de ces amusements et de ces distractions est que cette vie terrestre leur a été enjolivée. Zine, artifice, il s'y trouve des choses enjolivées et artificielles, des divertissements, des distractions, ainsi que des choses enjolivées. Et que tout ceci est dû au fait que les gens se vantent, tafakhurum baynakum, vantardise mutuelle. Chacun se vante en présence de l'autre. Celui-ci se vante de son enfant, et celui-là se vante de son argent. Et un tel se vante de son rang social, et un autre se vante de sa lignée et ses origines. Et un autre qui se vante de son grand âge, et un autre qui se vante de sa jeunesse, et celui-ci qui se vante de sa beauté, et celui-là qui se vante de son épouse, et ainsi de suite, comme vantardise entre les gens. Voilà donc en quoi consiste la vie éphémère d'ici-bas. Aussi, watakathurun, et une course à ce qui cause les troubles et le désordre. Watakathurun fil amwali wal awlad, et une course dans l'accumulation de richesses et d'enfants. Comme en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le récit d'Ibn Abbas, si l'enfant d'Adam, l'être humain, possédait un fleuve d'or, il désirait assurément en avoir un second. Et si l'enfant d'Adam possédait deux fleuves d'or, il désirait assurément en avoir un troisième, alors qu'à la fin, sa bouche finira par se remplir de terre, et Allah fait repentance à qui il veut. Un fleuve d'argent, et peu importe qu'il soit question d'or ou autre, il ne cesse de l'accumuler. Il s'agit là de la réalité de cette vie d'ici-bas et de ses habitants. Puis le Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala, informa de sa véritable valeur à travers sa parole « Wa ma al-hayatu al-dunya illa mata'u al-ghurur » et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Mais après ce verset, après qu'il exposa la réalité de cette vie mondaine, d'un exposé clair et suffisant auquel il n'est nul besoin d'ajouter quoi que ce soit, il incita à désirer la vraie vie et à œuvrer en conséquence, la vie utile et éternelle, à travers sa parole « Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi as-sama'i wal-ardi u'iddat lil-ladhina amanu billahi wa rusulihi dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dhul fadli al-azim » concurrencez-vous avec empressement vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, qui a été préparé pour ceux qui auront cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'immense grâce. Il s'agit là d'une incitation faite à la suite d'un avertissement, ainsi que d'une motivation après un découragement. Allah mit ainsi en garde contre cette vie d'ici-bas et ses artifices, et contre le fait de s'y baigner dans la distraction et de se faire ainsi duper par elle. Puis il incita les gens et les exhorta à se concurrencer dans ce qu'il évoqua dans ce verset comme bienfait incontestable. Wa jannatin 'arduha ka'ardi as-sama'i wal ardi u'iddat lil-ladina amanu billahi wa rusulihi, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, qui a été préparé pour ceux qui auront cru en Allah et en ses messagers. Et dans un autre verset, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et concurrencez-vous avec empressement vers un pardon de votre Seigneur et un paradis large comme les cieux et la terre, qui a été préparé pour les gens pieux, ceux qui font des aumônes aussi bien dans l'aisance que dans la difficulté, et qui dominent leur rage et qui pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants. Ces versets décrivirent ainsi le paradis d'une belle description. Et il existe d'autres descriptifs dans la sourate Ar-Rahman pour quiconque souhaite se faire une idée sur ce à quoi ressemble le paradis à travers sa lecture, comme s'il le voyait réellement avec ses yeux. Et il a certes authentiquement été établi d'après Ibn Omar, ce qui prouve ceci. Ces versets décrivirent ainsi le paradis et informèrent qu'il était réservé aux gens pieux. Ce paradis qui fut évoqué dans ces versets et duquel Allah subhanahu wa ta'ala donna envie aux gens et les incita à œuvrer pour y entrer, a été destiné à des gens heureux, des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élus et distingués et assurément favorisés sur beaucoup d'autres créatures. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre saint, le Coran, décrivant les habitants du paradis, qu'ils seront les voisins du Seigneur des mondes. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Certes, les gens pieux seront dans des jardins et des ruisseaux, dans un lieu de séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent. Ainsi, les gens du paradis, qu'Allah incita à œuvrer pour y entrer, seront le jour de la résurrection les voisins du Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, dans un lieu de séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a certes dit, exposant ce qu'Allah azza wa jalla a réservé pour les croyants et mettant en garde contre cette vie présente, la demeure des gens pleins d'illusions et dupes, dans le récit authentiquement établi de Sahl ibn Sa'd radiallahu anhu, la simple place du bruit de l'un d'entre vous au paradis est meilleure que ce bas monde et ce qu'il contient, et le fait de sortir de chez soi le matin dans le sentier d'Allah, puis de revenir le soir est meilleur que ce bas monde et ce qu'il contient. Subhanallah. Une chose aussi insignifiante que ce bruit, la place au paradis d'un simple bruit fait par quelqu'un avec ses mains, est-elle vraiment meilleure que tout ce bas monde? Que vaut alors cette dunya? Que valent ces trésors? Que valent ces fleuves? Que vaut toute cette végétation? Que valent toutes ces femmes? Toutes ces choses méritent-elles donc d'être méprisées à ce point? Il en est ainsi. Un simple bruit dans le paradis est meilleur que celle du présente et ce qu'elle contient. Le simple bruit d'un bâton, d'une seule personne parmi les gens du paradis. De combien de bâtons est-il question? D'un seul. Eh bien, le bruit de ce bâton dans le paradis est meilleur que cette dunya et tout ce qu'elle renferme. Alors que les gens se perdent, luttent, se déchirent, s'entretuent pour sa cause. Et ils ne prêtent pas attention à la place d'un seul bruit. Que dire donc de la place d'une maison? Que dire aussi de la place des visions du paradis à perte de vue? De même que tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a réservé pour les croyants, que nul œil n'a déjà vu, ni oreille n'a déjà entendu, ni cœur humain n'a déjà ressenti? Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, émanant d'Allah, j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce que nul œil n'a déjà vu, ni oreille n'a déjà entendu, ni cœur humain n'a déjà ressenti. Il dit ensuite dans ce récit, le récit d'Abu Huraira, lisez si vous le souhaitez, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Personne donc n'a connaissance de ce qui leur a été réservé comme réjouissance pour leurs yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. Combien de gens se sont fatigués dans l'édification de constructions fantastiques et de jardins féeriques qui ont dépensé des sommes d'argent colossales et se sont ahuris à leur vue, puis qui ont fini par être troublés et se perdre à cause d'elles? Combien? Il se peut que quelqu'un aille voyager en Occident, puis qui, à cause de tout ce qu'il aura vu comme artifice et mondanité matérielle, en revienne troublé et qu'il le reste pendant un long moment de sa vie, peut-être même jusqu'à ce qu'il rencontre Allah dans cet état de trouble. Donc, ô toi, mon frère, sache que la place d'un simple bruit dans le paradis est meilleure que cette dunya et tout ce qu'elle contient. La place d'un bâton dans le paradis est meilleure que toute cette vie présente avec tout ce qu'elle contient, comme palais, fleuves, arbres, mer, terre et tout ce qui s'y trouve, tout ce qui bouge et se déplace dans cette vie terrestre. La place d'un simple bruit dans le paradis est meilleure que tout cela. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a certes dit vrai, comme cela a été rapporté dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim. D'après Sa'd ibn Sa'd radiallahu anhu, « Ô Seigneur, il n'y a de vraie vie si ce n'est celle de l'au-delà. Pardonne donc aux Ansar et aux Muhajira. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était ainsi en train de creuser le fossé lors de la bataille du Khandaq, alors que ses compagnons ressentaient la faim, au point d'en souffrir, dû au blocus que les coalisés mécréants qui étaient venus de toutes parts avaient mis en place autour de la ville de Médine, et également à cause de la fatigue qu'ils avaient cumulée en creusant. Mais des paroles comme celles qui leur avaient dit « Ô Seigneur, il n'y a de vraie vie si ce n'est celle de l'au-delà. Peu importe ce qu'ils enduraient dans cette vie d'ici-bas, tout était destiné à disparaître. Tandis que la vie future est celle qui perdurera. Pardonne donc aux Ansar et aux Muhajira. » C'est-à-dire, pardonne aux Ansar, les Médinois qui secourirent le prophète, et les Muhajiroun, les Mécois qui firent l'exode avec lui vers Médine, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette vie future éternelle et qu'ils en finissent avec cette vie éphémère. Car il a certes été établi, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le recueil de récits authentiques de Muslim, qui a dit: on fera venir, le jour du jugement dernier, la personne qui aura eu la vie la plus misérable dans la vie d'ici-bas, parmi les gens qui entreront au paradis. Puis on le fera entrer au paradis un laps de temps très court. Et il lui sera alors dit: ô enfant d'Adam, as-tu déjà vécu la misère? As-tu déjà connu la difficulté? Et il répondra: ô que non, mon Seigneur, je n'ai jamais vécu la misère et je n'ai jamais connu la difficulté. Tous ces malheurs se dissiperont ainsi et seront oubliés juste en entrant un court instant dans le paradis. Peut-être même à la simple vision de ce qu'Allah a préparé pour ses habitants, toutes ces fatigues et ces exténuations disparaîtront ainsi, de même que les préjudices qu'il avait subis, les maladies, les douleurs et tout ce qui lui était arrivé dans cette dunya comme événements desquels il se rappellera, y compris ceux auxquels seul Allah en a connaissance. Mais il y en a parmi les gens qui font de tout ceci une affaire facile, au sujet de ce qu'Allah a préparé pour les croyants comme paradis. Ce paradis, à propos duquel Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im, fakihina bima ataahum rabbuhum, wa waqahum rabbuhum azab al-jahim, kulu wa shrabu hani'an bima kuntum ta'amaloon, muttaqina ala sururin masfufatin wa zawwajnaahum bihurin a'in, walladhina amanu wa attaba'athum dhurriyatuhum bi'imanin alhaqna bihim dhurriyatahum, wa ma alatnaahum min amalihim من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويتوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. Les gens pieux seront dans des jardins et des délices, réjouis de ce que leur Seigneur leur aura accordé et du fait que leur Seigneur les aura préservés du châtiment de la fournaise. Il leur sera dit: mangez et buvez en toute tranquillité en récompense de ce que vous aurez. Ils seront accoudés sur des divans bien rangés et nous les marierons aux Hur al-Ain, les femmes du paradis. Et ceux qui auront cru et dont les descendants les auront suivis en ayant la foi, nous les ferons rejoindre par leurs descendants et les rassemblerons ensemble. Et nous ne diminuerons en rien la récompense de leurs œuvres, chacun étant tenu responsable de ce qu'il aura acquis. Et nous leur accorderons des fruits et des viandes avec abondance parmi ce qu'ils désireront. Là-bas, ils se passeront les uns les autres une coupe plein de liqueur qui ne provoquera ni bêtise ni péché, et des garçons circuleront parmi eux à leur service, pareils à des perles bien conservées et gardées. Et plus encore comme verset, il a également dit innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bi salamin aminin wa naz'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Certes les pieux seront dans des jardins et des sources, il leur sera dit entrez-y en paix et en sécurité, et nous aurons au préalable purifié leur poitrine de toute rancune. Ils seront ainsi frères, se faisant face les uns aux autres sur des divans, nulle fatigue ne les y atteindra et on ne les en fera plus jamais sortir. De même que ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres auront assurément pour résidence dans l'au-delà les jardins du paradis, c'est-à-dire en témoignage d'honorabilité et d'hospitalité. خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا. Où ils y demeureront éternellement sans souhaiter le moindre changement. C'est-à-dire qu'ils n'espéreront pas ni ne voudront que cela change. Il est possible dans cette vie d'ici-bas que l'homme, quel que soit son état ou sa situation, se lasse de telle ou telle chose de son quotidien. Mais quant au paradis, les gens n'y ressentiront aucune lassitude et n'y auront nullement besoin de changer d'endroit. Ceci, car ces bienfaits y seront éternels. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَتْ لِلْمُتَّقِينَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلَالُهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ. Paradis qui a été promis aux gens pieux sous lesquels coulent les ruisseaux avec des fruits perpétuels ainsi que son ombrage. Voilà comment sera la fin de ceux qui pratiquent la piété, tandis que la fin des mécréants sera le feu de l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mandud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathira la maqtu'atin wa la mamnu'a wa furushin marfu'a inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara 'urban atraba li ashabil yamin. Quant aux gens de la droite, qui sont les gens de la droite? Ils seront au milieu de jujubiers sans épines et de bananiers bien garnis sous une ombre étendue près d'une eau coulant continuellement, ainsi que des fruits abondants à la consommation jamais ininterrompue ni défendue, accoudés sur des divans surélevés en compagnie des femmes du paradis, ces créatures que nous avons assurément créées à la perfection, puis en avons fait des femmes vierges, gracieuses et toutes sensiblement de même âge pour les gens de la droite. Il en est ainsi. Combien peux-tu lire dans le Coran comme description du paradis, dans lequel la simple place d'un seul bruit est meilleure que ce bas monde et tout ce qu'il contient? La place d'un seul bruit. Ce paradis, nul doute que son entrée n'est pas une simple affaire. Excepté pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura facilité cela, d'après ce qui a été établi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, un homme vint un jour auprès de lui et lui dit « Ô messager d'Allah, informe-moi d'un acte qui me fera entrer au paradis et qui m'éloignera du feu de l'enfer. » Il dit « Tu viens assurément de me questionner sur une affaire des plus importantes. Et elle est certes facile à celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura facilité. Tu adores Allah en ne rien lui associant quoi que ce soit. Et tu accomplis la prière et tu t'acquittes de l'aumône obligatoire et tu jeûnes durant le mois de Ramadan et tu accomplis le pèlerinage à la maison sacrée. » Il dit ensuite, souhaites-tu que je t'informe de l'affaire la plus importante? Veux-tu que je t'indique quelle est la plus importante des affaires, de même que son pilier et son apogée? L'homme dit, oh que oui. Il dit alors, l'affaire la plus importante est l'islam, et son pilier est la prière, et son apogée est la guerre sainte. Il dit ensuite, veux-tu que je t'indique l'essentiel de tout cela? L'homme répondit, bien sûr que oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ainsi, préserve-toi contre ceci. En tenant sa langue, l'homme dit alors, ô messager d'Allah, serons-nous jugés pour tout ce que nous prononçons comme parole? Il dit, que ta mère te perde, ô Mu'ad, les gens ne seront-ils pas traînés face contre terre si ce n'est à cause de ce que leur langue auront prononcé? Ils seront traînés jusqu'au feu de l'enfer à cause de ce que leur langue aura récolté. Ainsi, après lui avoir fait toutes ses injonctions et ses recommandations, il l'informa de ce qui constituait le fondamental de toute cette affaire, c'est-à-dire sa limite, à savoir la langue. C'est pour cette raison que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Qui me garantit de ne pas commettre de péché avec ce qui se trouve entre ses mâchoires, c'est-à-dire la langue, et ce qui se trouve entre ses cuisses, c'est-à-dire son sexe? Je lui garantirai ainsi son entrée au paradis ?» Il s'agit là d'une des garanties d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième garantie, du même ordre, qui me garantit de ne rien demander aux gens, je lui garantirai ainsi le paradis. Et il s'agit là de la garantie de continence, que celui qui se garde de porter atteinte à l'honneur des gens, ainsi qu'à convoiter de leurs biens, sera assuré d'entrer au paradis avec la garantie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Autre garantie, dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en est également le garant et le cautionnaire. Je suis le garant d'une demeure dans les bords du paradis pour quiconque aura délaissé toute polémique, quand bien même il avait raison. Et une demeure au centre du paradis pour quiconque aura délaissé le mensonge, même pour plaisanter. Et une demeure dans les hauteurs du paradis pour celui qui aura amélioré et bonifié son comportement. Il s'agit là d'une troisième assurance réservée à ceux qui auront eu un bon comportement. Une assurance venant de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, réservée aux gens les plus proches en degré du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est évoqué dans le récit prophétique de Jabir radiallahu anhu. Les gens qui me seront les plus proches en degré dans l'au-delà seront les meilleurs d'entre vous en comportement. Et vous connaissez parfaitement le degré du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au paradis, d'après ce que Abdullah ibn Amr a rapporté, à savoir al-wasil, le plus haut degré du paradis. Donc quiconque souhaite être proche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et avoir un rang élevé le jour de la résurrection, qu'il prenne donc cette recommandation provenant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant le bon comportement. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit, ce qui fera entrer le plus au paradis sera la crainte pieuse et le bon comportement, et ce qui fera entrer le plus en enfer sera la bouche et le sexe. Et ce récit fut rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, et cela ne fait aucun doute, et le récit a bien été établi d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, ce paradis, ô adorateur d'Allah, auquel il a été fait allusion et qu'Allah a préparé pour ses habitants, a été cerné par des choses qui sont détestables, et il a été voilé par des choses désagréables. Ce paradis est donc voilé. Nul ne l'atteindra donc, si ce n'est celui qui aura troué ses voiles, avec lesquels le paradis a été enveloppé. Le paradis est ainsi voilé, tandis que l'enfer a été découvert parfaitement. Donc ces voiles, qu'il est primordial de transpercer pour pouvoir atteindre le paradis, sont le fait de patienter sur le tawhid d'Allah, l'unification d'Allah dans son adoration, ainsi que de se maintenir dans la pratique de la religion d'Allah et son adoration subhanahu wa ta'ala. De même que de s'éloigner du shirk, le polythéisme, le fait d'associer quoi que ce soit à Allah subhanahu dans les adorations, que celle-ci soit petite ou grande, pointilleuse ou claire. Quiconque donc aura concrétisé cela aura certes transpercé le voile le plus important dans le but d'atteindre le paradis. D'après la parole d'Allah, Azza wa Jalla, Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Ceux qui ont cru et n'ont point souillé leur foi par une quelconque injustice, le shirk, ceux-là sont en sécurité et bien guidés. Et sa parole, Azza wa Jalla, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَاتٍ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Et annonce la bonne nouvelle à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, qu'ils seront rétribués dans l'au-delà par des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit provenant de ces jardins, ils diront, c'est là ce qui nous a déjà été servi, alors qu'il s'agit en réalité d'une autre chose, semblable en apparence, et ils auront là-bas des épouses pures, et ils y demeureront pour l'éternité. Et le summum, en termes de bonne œuvre, est l'accomplissement du tawhid d'Allah, le fait de l'unifier dans son adoration. D'après la parole d'Allah, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous n'avons envoyé avant toi, ô Muhammad, aucun messager, sans que nous lui ayons révélé nulle divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et adorez Allah et ne lui associez rien. Et bien d'autres versets encore. Et d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuha an-nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'an wa anzala min as-samaa'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous ainsi que ceux qui vous ont précédés. Peut-être atteindrez-vous la piété, celui qui a fait pour vous de la terre un reposoir et du ciel un toit et qui fait tomber la pluie du ciel, par laquelle il fait surgir toutes sortes de fruits comme subsistance pour vous, ne lui donnez donc point des égaux alors que vous savez qu'il n'en a pas. Tous ces versets démontrent que celui qui aura concrétisé l'adoration exclusive d'Allah aura certes accompli ce qui lui aura été commandé. Et dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim, d'après Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oh Mu'ad, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs, les êtres humains, et quel est le droit de ses serviteurs sur Allah ?» Il répondit « Allah et son messager sont plus savants. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'informa ainsi et dit « Le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore sans lui associer quoi que ce soit dans son adoration. Et le droit des serviteurs sur Allah est de ne pas les châtier si ces derniers l'auront adoré sans rien lui associer. » Et le récit de Ubad apporte même un supplément d'information qui les fera entrer au paradis quoi qu'ils aient accompli comme action. Il a en effet été rapporté dans les deux recueils de récits authentiques, d'après lui, radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, et que Isa, Jésus, est le serviteur d'Allah, et son messager et sa parole dite à Maryam, Marie, ainsi qu'une âme provenant de lui, et que le paradis est vérité, et que l'enfer est vérité, Allah le fera entrer au paradis, quoi qu'il ait accompli comme action. » Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en route lors de l'expédition de Tabouk et que leur nourriture et leur boisson avaient gravement diminué, ou plutôt qu'il ne leur restait plus grand chose, les compagnons vinrent auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dirent « Ô messager d'Allah, que penses-tu de nous autoriser à égorger certaines de nos montures afin de se nourrir de leur viande et d'utiliser leur graisse pour s'embaumer la peau ?» Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur en donna ainsi l'autorisation. Puis Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu vint auprès de lui et lui dit « Ô messager d'Allah, si tu les autorises à en égorger quelques-unes, le nombre de nos montures diminuera. Que penses-tu à la place, ô messager d'Allah, que tu leur demandes que chacun d'entre eux ramène ce qui lui reste comme provision, puis qu'ensuite tu invoques Allah dessus afin qu'il y mette sa bénédiction ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit ainsi en compte son avis et leur demanda d'apporter le reste de leur provision. Ils rassemblèrent ainsi tout ce qui leur restait comme nourriture sur une nappe. À la suite de quoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua Allah dessus. Allah y mit ainsi la baraka et ils mangèrent jusqu'à être rassasiés. Et il ne resta après cela plus aucun récipient au sein de la garnison sans qu'il n'ait été rempli de nourriture. Ils avaient donc rempli tous leurs récipients de cette nourriture, comme dattes et autres parmi ce qu'ils avaient apporté. Leur réserve s'était ainsi remplie par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis grâce à l'invocation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Je témoigne qu'il n'y a de divinité si ce n'est Allah et que je suis le messager d'Allah, personne ne rencontrera Allah avec cette parole en ne doutant point dessus, à la suite de quoi il sera voilé du paradis. » Quelle œuvre grandiose que celle-ci! Nul doute que cela constitue la plus importante action par le biais de laquelle tu troues le voile pour passer à travers en direction du paradis si tu concrétisais le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala et t'écartais du shirk. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna thalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida » Certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut, et quiconque associe quelqu'un ou quelque chose à Allah dans son adoration s'égare très loin dans l'égarement. Le second voile est la taqwa, la crainte pieuse envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la crainte d'Allah consiste à ce que le musulman mette entre lui et le châtiment d'Allah un obstacle. Donc celui qui aura craint Allah aura certes perforé un important voile qui lui permettra d'entrer au paradis. Il y accédera par sa cause, par la volonté d'Allah, comme l'ont démontré certains versets précédemment cités, et comme cela est évoqué dans le hadith d'Abu Umam al-Bahili radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur fit un discours à Mina et dit « Craignez Allah votre Seigneur et accomplissez vos 5 prières pour Allah et jeûnez durant votre mois de Ramadan et accomplissez le pèlerinage vers la maison de votre Seigneur et dans une autre version avec l'ajout et obéissez à votre gouverneur, vous entrerez ainsi dans le paradis de votre Seigneur » jusqu'à la fin du récit. Et la première de ces paroles fut « Craignez Allah votre Seigneur ». Il leur commanda ainsi la crainte d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a donc réservé aux gens pieux qui le craignent ce que les preuves provenant du Coran ont avancé. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Certes, les pieux seront dans des jardins et des sources, recevant ce que leur Seigneur leur aura donné, car ils auront été auparavant des bienfaisants. Ils ne dormaient que peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient Allah de leur pardonner. Et ils donnaient toujours de leur bien aux mendiants et aux pauvres. Et il y a sur terre des signes évidents pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même, n'observez-vous donc pas ? Le voile qui vient ensuite parmi ceux que l'homme se doit de transpercer afin d'accéder au paradis est un voile tout aussi important. Et il s'agit du voile de la purification. Ainsi, si celui-ci accomplissait correctement le rite de la purification, tel qu'Allah subhanahu l'agrée, avec tout ce que cela implique comme gêne et fatigue dans le froid de la nuit et du jour, il aura certainement forcé le passage et se sera frayé un chemin conduisant au paradis. Il a en effet été rapporté dans les deux recueils de récits prophétiques authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim, d'après Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque aura prié les deux prières froides entrera au paradis ». Ceci pour la simple et bonne raison que durant le temps de la prière du Asr, on y ressent la froideur du jour, et que durant le temps de la prière du Fajr, on y ressent la froideur de la nuit, et que l'homme a besoin, avant d'accomplir sa prière, de faire ses ablutions, et d'aller ainsi au contact de l'eau froide, et pour d'autres raisons encore du même genre. Donc toutes ces gênes que tu endures et supportes dans le but de gagner la satisfaction d'Allah subhanahu, constituent une percée du voile afin d'accéder au paradis. Et dans le récit prophétique, annonce la bonne nouvelle à ceux qui marchent dans les ténèbres de l'aube vers les mosquées pour la lumière totale qui leur sera accordée le jour de la résurrection. Une lumière pleine au jour du jugement dernier. يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Leur lumière avançant devant eux et à leur droite, le jour de la résurrection, il leur sera dit, voici une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Jusqu'à la fin des versets. Tout ceci constitue un perforage du voile pour entrer au paradis. Tels sont les voiles qui cernent le paradis aux serviteurs d'Allah. Que celui donc qui souhaite et désire les trouer, qu'il le fasse à travers l'accomplissement de bonnes œuvres. Inna alladhina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anhar fi jannatin na'im. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera assurément grâce à leur foi. Les ruisseaux couleront sous leurs pieds dans les jardins des délices. Lilladhina ahsanu al-husna wa زيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. À ceux qui sont bienfaisants, il est réservé dans l'au-delà l'excellente récompense, et même davantage, leurs visages ne seront point couverts d'affliction, ni ne seront avilis. Voilà les gens du paradis, où ils demeureront éternellement. Quant à ceux qui auront accompli de mauvaises actions, sachez alors que la rétribution d'une mauvaise action lui sera équivalente et un avilissement les couvrira. Ils n'auront aucune protection face à Allah, comme si leurs visages seront couverts de lambeaux de ténèbres nocturnes. Ô vous les gens, ce paradis a été cerné par des choses détestables. Il a été bordé par de la fatigue et a été ceinturé avec les épreuves de la vie. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ. Et nous vous éprouvons certainement jusqu'à distinguer ceux d'entre vous qui luttent véritablement dans l'obéissance d'Allah et endurent, et afin de faire apparaître vos pensées cachées. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ. Ala inna nasrallahi qarib. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? La misère et la maladie les avaient touchés et ils furent terriblement secoués jusqu'à ce que le messager et ceux qui avaient cru avec lui dirent, à quand le secours d'Allah? Mais non, le secours d'Allah est certes proche. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ayyukum ahsanu amala, béni soit celui dans la main de qui est la royauté et il est capable de toute chose, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de distinguer qui de vous est le meilleur en œuvre. Des épreuves qui ne dureront en réalité qu'un temps, durant lequel Allah éprouve l'être humain asservi et le purifie de ses péchés. Et afin qu'Allah purifie ceux qui ont cru et anéantisse les mécréants. Tel sera le cas des mécréants. Ils, les mécréants, prennent du bon temps et mangent comme mangent les bestiaux, alors que le feu de l'enfer sera leur lieu de séjour. Alors que toi, ô toi le croyant, tu es purifié de tes péchés à travers les épreuves et les maladies, de même qu'à travers les douleurs et les souffrances, ainsi que les préjudices que tu subis dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le but d'entrer au paradis. Ce paradis, aussi large que ce qui sépare les cieux et la terre, nul doute que le perçage de ces voilages nécessite de se fatiguer, comme dans l'obéissance et la bienfaisance envers les parents. Comme l'a dit, et on a informé à ce sujet le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que soit humilié celui dont les deux parents ou l'un d'eux auront vécu jusqu'à atteindre l'âge de vieillesse, puis qui n'entrera pas au paradis, du fait de ne pas avoir été bienfaisant envers eux. Donc ce paradis nécessite que tu perds son voile par le biais de la purification. Muslim a rapporté en ce recueil de récits authentiques, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet du perfectionnement des ablutions, « Ne vous indiquerai-je pas une chose à travers laquelle Allah efface les fautes et élève en degré, c'est-à-dire au paradis ?» Les compagnons répondirent, « Bien sûr que si, au messager d'Allah. » Il dit alors, « Le perfectionnement des ablutions dans des conditions difficiles et désagréables, et la multiplication des pas en direction de la mosquée, et le fait d'attendre dans la mosquée la prochaine prière, après y avoir accompli la précédente, voilà le vrai ribat, voilà le vrai ribat. Toi, tu aimerais bien qu'Allah t'élève au-dessus de nombreuses personnes parmi ses créatures et qu'il te favorise grandement. Donne-toi donc les moyens de percer ses voiles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit, comme cela a été rapporté par Muslim d'après Omar ibn Khattab radiallahu anhu, celui qui aura fait ses ablutions et les aura perfectionnées, puis qui aura dit, je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée excepté Allah seul, sans associé, et je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah, les 8 portes du paradis lui seront alors ouvertes. Et dans les deux recueil de récits authentiques, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui aura accompli une double bonne action dans le sentier d'Allah sera appelé le jour de la résurrection par les 8 portes du paradis tout ensemble. Ô serviteur d'Allah, ceci est un bien. Ô serviteur d'Allah, ceci est un bien. Donc celui qui faisait partie de ceux qui priaient beaucoup sera appelé par la porte d'As-Salah, la porte de la prière. Et celui qui faisait partie de ceux qui donnaient beaucoup d'aumônes sera appelé par la porte d'As-Sadaqa, la porte de l'aumône. Et celui qui faisait partie de ceux qui jeûnaient beaucoup sera appelé par la porte d'Ar-Rayyan, la porte du jeûne. Et celui qui faisait partie de ceux qui combattaient beaucoup pour la cause d'Allah sera appelé par la porte du djihad, la porte de la guerre sainte. Nul doute que celui qu'aucune porte n'appellera ce jour-là sera assurément avili. Abu Bakr radiallahu anhu dit alors, ô messager d'Allah, il ne sera pas nécessaire qu'une personne soit appelée par plusieurs portes sachant que la finalité sera d'entrer au paradis, mais y aura-t-il quand même des gens qui seront appelés par toutes ces portes? Il dit, oui, et j'espère que tu feras partie de ces gens-là. C'est-à-dire qu'on espère qu'Abu Bakr fasse partie de ces gens-là. Et voilà dans quoi on devrait se concurrencer. Inna al-abrar lafi na'im, ala al-ara'ik yandurun, ta'rifu fi wujuhihim nadrat al-na'im, yusqawna min rahiqin makhtum, khitamuhu misk, wa fi dhalika falyatanafas al-mutanafisun. Certes, les pieux seront dans un immense bienfait, en train de regarder accoudés sur les divans. Tu reconnaîtras sur leur visage l'éclat de la félicité. On leur servira à boire un nectar pur et cacheté, laissant un arrière-goût de musc. Et c'est en cela que doivent se concurrencer ceux qui se concurrencent dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد. Toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, il n'a pas d'associé. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci étant dit, il a été rapporté dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a entre deux umrah, le petit pèlerinage, une expiation des péchés, et le hajj, le grand pèlerinage, accompli dans la plus grande piété, n'a de récompense que le paradis. On apprend donc de ce récit que le hajj, qui est effectué dans la plus grande piété, c'est-à-dire le hajj authentique, celui durant lequel aucun propos obscène n'est dit, ni perversité, ni non plus de polémique inutile, que cela est un immense perçage du voile dans le but d'entrer au paradis. Et que cet acte est considéré comme un raccourci qui mène au paradis, à l'instar de bien d'autres actes. Et lorsque Amr ibn al-As radiallahu anhu est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui prêta allégeance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: n'as-tu pas su, ô Amr, que le fait de se convertir à l'islam efface tous les péchés passés, et que la hijra, l'exode vers une terre d'islam, efface tous les péchés passés, et que le hajj efface tous les péchés passés? Les actes qui font entrer au paradis sont donc nombreux, et les voiles qui obstruent son chemin sont aussi nombreux. Le paradis a donc été voilé par les choses détestables. Il n'y a ainsi aucun acte dans lequel tu éprouves de la gêne parmi les actes d'adoration que tu as accomplis pour Allah, tels que l'entretien des liens de parenté, la bienséance envers les voisins, l'étude de la science religieuse ou autre, sans que tu ne perfores à travers son accomplissement ses voiles et que tu ne saches que tu te diriges à travers lui vers le paradis. Muslim a rapporté dans ce recueil authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque emprunte un chemin à la recherche de la science religieuse, Allah lui facilite par son biais un chemin vers le paradis. Constatez donc, ô serviteurs d'Allah, combien est faible le nombre d'étudiants en sciences religieuses qui sont sincères dans leur démarche, et combien est faible leur nombre qui sont véritablement savants, ceux qui finissent par devenir des savants. Les étudiants qui sont réellement versés dans les sciences de la religion d'Allah sont peu par rapport aux autres, et encore moins nombreux qu'eux, ceux qui étudient avec une vraie sincérité, et encore bien moins nombreux que ces derniers, ceux qui étudient puis qui deviennent des savants profitables pour les musulmans. Et ce qui explique ceci est que ce chemin qui mène à la science islamique est désagréable et plein de gêne, car le chemin à la quête de la science religieuse n'est pas une mince affaire, un chemin qui n'est pas facile, le chemin qui mène au paradis. Et le paradis a été cerné par des choses détestables. Quiconque donc aura forcé le passage vers ce chemin et aura patienté avec endurance tout au long de ce périple et aura fourni beaucoup d'efforts dans le but de concrétiser l'obéissance d'Allah, aura assurément forcé une immense porte conduisant au paradis. Allah élève en degré ceux d'entre vous qui croient ainsi que ceux à qui le savoir a été donné. Il est fort probable que les gens, le jour du jugement dernier, les environs pour leur haut degré, car il s'agit là du paradis. Certes, les habitants du paradis verront au-dessus d'eux les gens aux magnifiques demeures élevées, comme vous voyez les étoiles mobiles dans le ciel au lever du jour. Les compagnons dirent: ô messager d'Allah, s'agit-il des demeures des prophètes? Il répondit: aucunement. Il s'agit plutôt de celles de gens qui auront eu la foi en Allah et qui auront cru en les envoyer. الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله a attesté qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée à part lui, de même que les anges et ceux à qui la science a été donnée en toute justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Ces gens-là sont les témoins de la plus grande chose de laquelle on puisse témoigner, des gens qui seront des savants dans l'au-delà comme ils le furent dans ce bas monde. Et le jour de la résurrection, leur science ne cessera de les accompagner, avec laquelle ils s'argumenteront contre les gens du faux du fait de leur bonne compréhension. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Tels sont les exemples que nous citons aux gens, mais ne les comprennent véritablement que les savants. Et Allah a dit: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البحث فهذا يوم البحث ولكنكم كنتم لا تعلمون. Et ceux à qui le savoir et la foi furent donnés diront aux ignorants et aux insouciants le jour de la résurrection: vous avez certes demeuré aussi longtemps que ce qu'Allah avait décrété pour vous dans son livre jusqu'au jour de la résurrection, et voici le jour de la résurrection, mais vous ne saviez point en réalité. Donc cette route demande beaucoup de patience afin que la personne parvienne à atteindre ce qu'Allah a réservé pour ces gens-là. Allah subhanahu a dit: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Et nous avons fait de certains d'entre eux des dirigeants qui guidaient les gens selon notre ordre aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en nos versets. Donc celui qui n'arrive pas à patienter face à cela n'atteindra pas ce but. Il ne pourra pas trouver ce voile. Jamais les ambiguïtés et les passions le feront tressaillir et finiront par lui couper la route en milieu de chemin. La route lui sera alors barrée. Puis, sans que tu t'en rendes compte, il finira par aller se perdre dans la dunya, cette vie mondaine trompeuse, ou bien dans les fitaines, les désordres et les troubles, ou encore dans les bidards, les innovations religieuses et du folklore, ou autre chose encore que nul n'en a connaissance excepté Allah. Patiente donc, ô toi le musulman, endure dans l'apprentissage et la compréhension de ta religion, et endure dans cet immense bienfait, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit, il sera dit le jour du jugement dernier, à celui qui récitait le Coran de son vivant, récite le Coran et psalmodie-le, comme tu le psalmodiais jadis, car certes ton degré au paradis sera au niveau du dernier verset que tu réciteras. À qui profitera donc ceci? Ceci ne sera pas profitable à quiconque récite le Coran, car il est fort probable que le Coran soit un argument auprès d'Allah contre certaines personnes qui le récitaient du fait qu'il le contredisait. Mais il sera profitable plutôt aux adeptes du Coran. On apportera le Coran le jour de la résurrection, accompagné de ses adeptes, ceux qui le mettaient en application dans la vie d'ici-bas, qui sera précédée des surat al-Baqarah et al-Imran, qui argumenteront en faveur de ses fidèles. Toi, tu ne t'argumenteras donc pas le jour du jugement dernier auprès d'Allah. Ô toi qui récites le Coran, ô toi qui es bien établi dans la religion d'Allah, ô toi qui mets en application les recommandations du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, toi, au jour de la résurrection, tu trouveras qui argumentera en ta faveur. Tu auras ainsi les deux surat al-Baqarah et al-Imran qui débutent le Coran, pareillement à l'ensemble du Coran, qui seront des preuves en ta faveur. Celles-ci seront ainsi les premières à intercéder auprès d'Allah en argumentant pour le compte de ses fidèles pour les avoir mis en pratique. Tatajafa junubuhum anil madadiri yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Ils se forcent à se lever de leur lit la nuit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils dépensent en aumône de ce que nous leur attribuons. Personne donc n'a connaissance de ce qui leur a été réservé comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. Walhamdulillahi rabbil alamin.